blessée, non moins par l'alcool que par le LSD. Se laissa tenter par quelques pas de danse. Au milieu du salon, la voilà presque en France. Laissant s'échapper de bon petit prix bovin, elle se trémousse sans se douter de rien. Elle en oublie même son milieu bien surfait. Elle se ridiculise devant toute l'assemblée. La grosse Marie avait mal à la tête. La grosse Marie avait trop fait la fête. Elle en avait même oublié son prénom. Mais elle rentra pas seule à la maison. Elle sue, elle tourne. Plein de minutos dans sa bouche, elle enfourne. Mais un seul l'admire là-bas dans le fond. Il est tout en extase, il s'appelle Jason. Il ne sait pas comment se déclarer. Encore un verre de Sky et le voilà lancé. Encore un petit pas, elle est juste derrière elle. La grosse Marie se tourne et la lui roule une pelle. La grosse Marie avait mal à la tête. La grosse Marie avait trop fait la